Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers? Oh, c'est super cool! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie. Aujourd'hui encore, on va parler du jeu de manière transversale. Jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de société. On va essayer de parler des trois avec un sujet en tout cas qui, je l'espère, va vous intéresser. Petit teaser, on va parler de plans jeux réguliers. Mais avant ça, déjà je tenais à vous dire que si vous souhaitez aider le podcast Ludologie et l'association qui est derrière Studio Dilettante, vous pouvez nous aider à contribuer via notre Tipeee. On veut des sous, exactement. J'ai plus l'URL en tête, c'est genre tipeee.fr/studio-dilettante de mémoire. Vous regardez sur notre Twitter et notre Facebook, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et donc, je disais le thème du jour, plan jeu régulier, d'où vient ce titre un peu provocateur? C'est pas moi qui l'ai trouvé, déjà. Je tiens. Non, même pas. Non, ce n'est même pas Vianney. Je vois une de nos invitées qui pointe Vianney, qui donc va co-animer cette émission avec moi. Non, ce n'est pas Vianney qui l'a trouvé. Je ne citerai pas son nom. Ça commence par Ma et ça finit par Nuel. Et donc, c'était tout simplement pour parler d'une chose qui m'est arrivée, je pense. Allez, qui m'arrive depuis peut-être 2 ans. Depuis que j'ai découvert PUBG, donc PlayerUnknown Battleground, un célèbre jeu en ligne qui a popularisé un genre de jeu en 2018. Et en fait, je me retrouvais à jouer régulièrement avec des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, des sortes de rencontres éphémères, comme on peut avoir des rencontres amoureuses ou plus si affinités. Voilà, c'est ça qui m'est arrivé. Et j'ai été amené à rencontrer des inconnus, plutôt des hommes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parfois dans des conditions très bizarres, avec des connexions très bizarres, des voix très bizarres, et jusqu'au jour où, en jouant avec un de ces inconnus, je me suis rendu compte que la personne habitait dans la même ville que moi. Plus fort on avait des métiers, à l'époque, assez proches. Et même que cette personne, elle habitait juste à côté d'un café où je participe régulièrement à des débats autour du jeu. Et donc, du coup, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Alors maintenant, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est assez étonnant comme rencontre. Et donc, c'était l'occasion de parler de ces relations qu'on noue parfois en ligne. Et je vais laisser Vianney nous présenter nos deux invités du jour pour parler de ce sujet, ma foi, brûlant. Salut à toutes et tous, du coup, Vianney. Moi, ce qui m'intéressait, avant de présenter peut-être les invités, pour expliquer pourquoi je co-anime ce petit épisode, c'est que Adrien et moi, je pense qu'on n'a pas du tout la même expérience déjà dans la découverte du jeu. Pour ceux qui ont un tout petit peu suivi ma présentation en début de saison, moi, je suis plus du côté du jeu de société. De manière professionnelle, c'est mon travail, je suis ludicaire. Et je le replace, tu vois. Du coup, moi, à part dans mon activité professionnelle, où je suis amené à jouer avec des gens que je ne connais pas, c'est quelque chose que je fais très peu, voire pas. C'est-à-dire que je peux ne pas connaître les gens parce que ce sont des amis d'amis, mais que je ne connais pas du tout, c'est excessivement rare. Je l'ai surtout pratiqué dans mon travail. Du coup, ça m'intéressait beaucoup de participer à cette émission parce que ce n'est pas une conception forcément que j'ai du jeu. Et pourtant, je suis convaincu, et si vous vous en rappelez de l'épisode où je me suis présenté, que le jeu, ça sert à se rencontrer. Je trouvais ça assez génial de pouvoir participer à cette émission en ayant peut-être un autre point de vue. Et du coup, on vous a préparé pour cette émission, non pas un invité, ni une invitée, mais 2 invités. Wouh, folie. Autour de la table ce soir, on a Valérie et Jackie. Je les laisserai se présenter toutes les deux, plus en détail. Mais on reçoit Valérie, qui aura plutôt une expérience, tu confirmeras ou pas, hein, mais du côté du jeu de société, qu'elle pratique de manière régulière. et Jackie qui pratique de manière régulière le jeu vidéo. On tentera un petit peu de jeu de rôle, parce que quand même, il va falloir être un peu de jeu de rôle. Mais voilà. Du coup, je vais essayer de présenter Valérie, un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui fait que tu es venue à découvrir le jeu de société, le jeu en général ? Bonjour, donc oui, moi c'est Valérie. J'habite à Rennes depuis maintenant 10 ans, et avant j'habitais en région parisienne. Et j'ai toujours aimé jouer quand j'étais petite, mais j'avais pas une pratique du jeu comme je l'ai aujourd'hui. Je suis tombée dans le jeu de plateau, enfin le jeu de société, à 24 ans en allant à Partenay. Voilà, donc au flip de Partenay où j'ai fait beaucoup de rencontres. Et aujourd'hui, je suis présidente de la Reine des Jeux à Rennes, qui est une association de jeux de société. Je suis un peu fatiguée. Et puis, je ne vous en dirai pas plus pour le moment parce que je n'ai pas tout dévoilé. Et je vais attendre les questions. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Jackie. Pour ma part, quoi dire ? J'ai 25 ans. Non, je n'ai pas du tout 25 ans, j'en ai 29. Moi, je m'arrête. Je me suis arrêtée à 25 ans, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Pour le coup, moi, j'ai toujours baigné dans le jeu vidéo depuis que je suis toute petite, grâce à mon papa, qui était très friand de ça. On avait une pile assez énorme dans les toilettes de bouquins sur les jeux vidéo pour les astuces et ce genre de choses. Et pratiquement à chaque fois qu'on allait faire les courses ensemble, on repartait avec un jeu pour aller jouer. On faisait aussi Age of Empires, ce genre de choses, avec des LAN, avec les petits câbles reliés entre les deux PC, ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai jamais quitté cette envie et ce plaisir du jeu vidéo, en tout cas. Très peu le jeu de société. J'ai découvert ça quand je suis arrivée à Rennes, pour le coup, en rencontrant Vianney et tout ça. Et maintenant, je pratique des plans jeux vidéo réguliers avec des inconnus. Et je suis là pour en parler, du coup. Telle une réunion des alcooliques anonymes. Alors. Je me confesse sur le truc. Alors, ce n'est pas honte. Ce n'est pas honteux. Ce n'est pas sale. Je tiens à le préciser, déjà. Nous n'allons pas juger les personnes qui font ça. La preuve, moi-même, je le fais, donc c'est que ça ne doit pas être trop honteux. Et donc, ma première question, c'est peut-être pour introduire un peu le sujet, c'est vous, quelle est votre première expérience, justement, de jeu avec des inconnus, hommes ou femmes, d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance à mes yeux. Parce que je pense, par exemple, dans le jeu de société, c'est quand même très particulier, parce qu'on a l'image du jeu de société en famille. Voilà, le papa qui, pour faire son papa cool, qui dit « Tiens, on va se faire un Monopoly, ça va être génial, ça va souder la famille », et en fait, ça finit en pugilat. Voilà, je sais pas, ou par rapport peut-être aux jeux vidéo, où là aussi, ça peut être une histoire de famille, comme tu l'as introduit. Je sais pas qui veut commencer à décrire sa première... Ma première expérience avec des inconnus elle a été faite en ligne parce que j'ai jamais joué à des jeux qui se jouent en local comme Smash Bros ou des trucs comme ça à l'époque. Avec des inconnus quand on va à des événements, ça j'ai jamais fait. Jamais fait d'événements sur le jeu vidéo. Du coup, je pense que ma première expérience, c'était H1Z1 ou une connerie comme ça. Pareil, c'est du Battle Royale. Donc du coup, j'ai commencé à jouer avec des inconnus, mais accompagnée de mes amis. Je n'étais pas totalement avec des inconnus, mais c'est là où j'ai été face à des inconnus. Ah si, je suis bête, autant pour moi. Il y a Counter-Strike. J'ai fait du Counter-Strike. J'ai fait du Counter-Strike à l'époque quand j'étais encore au lycée. J'étais en internat, donc je rentrais que le week-end, donc je pouvais faire ça que le week-end. Alors je jouais moyennement bien, jusqu'au jour où je me suis fait virer d'une map noob. Je ne pouvais plus jouer après, parce que les maps d'après, je me faisais spawn kill, comme on dit. Je mourais dès que j'apparaissais sur la map. Donc du coup, j'ai arrêté Counter-Strike, parce que j'étais trop nulle. Je vais juste préciser pour les gens qui ne joueraient pas à ces jeux-là, un jeu de Battle Royale, c'est globalement 100 joueurs ou joueuses qui sont lâchés sur une carte et qui vont se tirer dessus, s'entretuer, jusqu'à qu'il n'en reste qu'un ou qu'une seule équipe. Donc ça, c'est le cas de H1Z1, et pour Counter-Strike, jeu de tir en vue à la première personne qui est connu depuis les années 90 au moins. Voilà. Alors, ma première expérience de plan jeu. Alors moi j'ai un peu la même. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu la même pratique que Vianney, c'est-à-dire que j'ai des plans jeux réguliers, mais plutôt avec des amis qui en fait étaient des inconnus quand je les ai rencontrés. Notamment, alors j'en ai plusieurs et j'ai l'expérience de partenaire, mais je raconterai bien que quand je suis arrivée à Rennes. Du coup, c'était il y a à peu près 10 ans, donc j'étais tombée dans le jeu de société vraiment 8 ans avant, je pense à peu près. Et donc j'ai tapé sur internet Rennes Jeux en me disant bon, qu'est-ce que je vais trouver ? Et je suis tombée sur le site d'Arène des Jeux. Alors j'avais déjà, moi j'ai pas donné mon âge hein, parce que je suis plus âgée que Shaki, mais bon, bref, je suis encore dans la trentaine pour un mois. Voilà, je vous donne. Et donc du coup, quand il y a 10 ans, vous calculerez, j'étais plus à peu près de l'âge de Jackie aujourd'hui, voilà. Et donc du coup, je tape ça et puis je tombe sur un des jeux. Je me dis, ouais, ça a l'air cool, mais à mon avis, c'est une asso d'étudiants, c'est tous des petits jeunes. Voilà, je vais aller voir quand même. Et en fait, non, c'était pas tous des petits jeunes. Les personnes sur qui je suis tombée, donc c'était dans un bar. Je suis allée à une soirée au bar la première fois. J'ai rencontré deux personnes qui sont encore dans l'asso aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai été à la Arène des Jeux. Alors, c'était assez. C'était bien parce qu'ils me connaissaient pas, mais il y avait besoin de monde dans le CA. Donc, je suis rentrée au CA. Et puis, ils m'ont demandé : tu veux pas être vice-présidente ? Enfin, tu veux pas être présidente ? J'étais là, bah non. J'arrive quand même. Enfin, c'était assez accueillant, mais c'est vrai que je suis tombée dedans avec des gens que je connaissais pas vraiment. Et aujourd'hui, la plupart sont devenus des amis, en fait. Donc voilà, c'est. Et sur la pratique aujourd'hui du plan jeu régulier, on fait des soirées où on accueille des gens qu'on connaît pas, mais c'est vrai que j'ai plus la même pratique que Vianney, mais en étant passée par la case rencontre grâce au jeu. La question naturelle qui vient après, c'est en fait qu'est-ce que ça change en fait de jouer avec des inconnus selon vous ? Parce que c'est pas, on imagine que c'est pas la même chose, mais vous, qu'est-ce que ça a changé ? Quelles ont été peut-être vos premières impressions quand c'est arrivé ? Alors plutôt violente sur Counter-Strike si j'ai bien compris, mais je pense notamment quand on a des personnes en face. C'est comme un premier date, c'est pas évident. Et justement, je suis curieux d'avoir votre avis sur comment le jeu change peut-être éventuellement le rapport qu'on a avec les personnes. Alors moi, je dirais que ça dépend du jeu auquel on joue. Sur Counter-Strike, un inconnu est un challenge puisque tu sais pas s'il est plus fort que toi, s'il est moins fort que toi. La différence du fait que tu joues avec tes amis, c'est que tes amis, tu les connais, ils sont du coup un peu pareils que toi dans ta façon de jouer. Un inconnu, bah, il va te manger, mais tu sais pas trop à quelle sauce. Donc du coup, tu es obligé de juger. En tout cas, pour le Battle Royale ou pour Counter-Strike, où il y a du face-à-face, là, c'est plus compliqué. Après, moi, j'ai une autre expérience de jeu dans mon plan jeu régulier. C'est que moi, je joue à du jeu de rôle d'un jeu... je veux pas tourner autour du pot parce que c'est chiant. Du coup, je joue à GTA. Non, parce que c'est compliqué à expliquer. J'arriverai pas sans dire les mots. C'est GTA 5. Il y a un mode online de GTA. Là, c'est un bac à sable où les gens ils tirent dessus sans faire vraiment attention. Et il y a une annexe à ça créée par les fans qui s'appelle 5M et qui est là pour offrir un bac à sable contrôlé de joueur à joueur. Alors, je m'explique. Je joue dans un San Andreas. Los Santos, pardon, autant pour moi, pour GTA V, à Los Santos. Et mon personnage est une journaliste. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un gang ou qui va tuer les premières personnes, tout ça. Je suis une journaliste. Je vais rencontrer un médecin, je vais rencontrer un policier, je vais rencontrer voilà, un mec qui fait de la pêche. Donc voilà, on va faire du jeu de rôle contrôlée sur Internet. Donc là, c'est pareil, c'est des inconnus. Mais j'ai pas un conflit direct avec eux. Je vais pas aller les tuer dessus. Donc du coup, il faut que j'agisse différemment. Donc ce sont des inconnus, mais que je rencontrerai comme si je pouvais vous rencontrer la première fois en réel. Voilà, autour d'une table. Donc du coup, ça dépend. Ça dépend du jeu auquel on joue. Pour moi, en tout cas, ça dépend du jeu auquel on joue. Valérie ou Vianney, qui a peut-être aussi d'autres expériences. Valérie ? Tu veux juste me répéter la question parce que j'ai... En fait, la question, c'est qu'est-ce que ça change en fait par rapport à quelque chose de plus commun avec des gens qu'on connaît, notamment. C'est qu'est-ce que ça change le fait de jouer avec des inconnus. Alors, faut que je me remémore un peu parce que comme je joue moins avec des inconnus, sauf dans le cadre de soirées jeux au bar où on accueille encore des gens. Moi, ce que je me souviens des premières parties où justement, quand on est dans la rencontre et on connaît pas les gens, c'est qu'on se retrouve. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne sait rien de la situation, ni professionnel, ni personnel, etc. Et on est juste autour d'une table à partager le plaisir du jeu, quoi. Et ça, c'est assez sympa. Enfin, il n'y a aucun jugement. Alors, on est là pour partager. Il y a des gens avec qui ça va matcher, partout, et avec qui ça va pas, d'autres avec qui ça ne va pas matcher, en fait. Et franchement, ceux avec qui ça va matcher, enfin moi, pour mon cas en tout cas, c'est des gens qui vont devenir plus qu'un plan jeu régulier, en fait, finalement. Je rebondis volontairement sur ce que tu disais. Alors, je ne sais même pas d'ailleurs si toi, Valérie, tu veux rebondir là-dessus ou si Jackie, tu veux rebondir là-dessus, mais tu as employé le mot jugement, en fait. Et tu disais, il n'y a pas de jugement. Et moi, j'ai eu assez peu d'expérience avec des inconnus sur du jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, justement, d'être complètement dans ce que tu viens de dire, de dire putain c'est génial, je viens de vivre un moment où personne me juge, trop bien. Ou est-ce que d'autres expériences, enfin voilà, par rapport, enfin je trouve ça intéressant en fait le rapport au jugement parce qu'on, enfin moi en tout cas dans la vie je pense je juge les gens même dans, non mais sérieusement c'est compliqué de pas le faire, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Et est-ce que le jeu permet ça aussi en fait? Boum, je récupère la balle, mince, j'aurais dû mieux choisir mes mots. alors, c'est pas facile hein, de répondre à cette question. En fait, dans le sens sans jugement, ce que je voulais dire, ça s'appliquait pas forcément à moi, mais c'était plus quand on joue avec des. Enfin, quand il y a des gens qu'on connaît, il y a forcément aussi l'histoire personnelle, on se parle du boulot, etc. Et c'était vraiment plus là la rencontre autour d'un jeu où on ne sait rien de la personne, mais on partage juste un moment ensemble, en fait, et on ne parle pas forcément d'autre chose que du jeu qu'on est en train de vivre. Hein. Et donc, c'est pas parce que je me suis sentie jugée à d'autres moments, c'était plus par rapport à ça. Ça ne répond pas vraiment à ta question, j'ai l'impression. Globalement, enfin, moi, je trouve ça y répond complètement, en fait. Enfin, c'est, du coup, a priori, la question ne se pose pas pour toi. Et du coup, en soi, c'est une vraie réponse, en fait. Enfin, Jackie, peut-être En ce qui me concerne pour le jeu en ligne, il va y avoir du jugement, mais c'est du jugement sur le potentiel du joueur, sa qualité. Est-ce que il a réussi à mettre une tête quand je viens d'apparaître, ou est-ce que il joue bien son rôle de médecin un minimum quand il fait du roleplay avec moi parce que je me suis blessée à la cheville. Voilà, il y a du jugement de pas de valeur, pas sur ce qu'il est. Parce qu'on peut pas le juger, on connaît pas, on l'a jamais vu, voilà, on l'a pas en face de nous. Mais alors quand je dis un jugement, c'est-à-dire que tu le penses, mais tu vas pas lui dire putain t'es mauvais. Non, tu vas pas lui dire ça quoi. Donc non, en tout cas on essaye que ça se passe pas comme ça. que en tout cas sur GTA ça se passe pas comme ça. Sur CS, bon bah quand tu fais une tête à quelqu'un, t'es en train de crier ta joie, mais tu vas pas lui dire putain il est mauvais, je vais lui dire. Non. Voilà. Donc du coup oui, il y a du jugement de skill, mais il y a pas du jugement de valeur. En tout cas, j'espère pas ou je le limite. Voilà. Valérie, tu voulais réagir. Alors, sur le jeu de plateau aussi, on peut se dire quand on est en train de jouer avec quelqu'un, il fait n'importe quoi. Donc, bon, il y avait un peu de jugement aussi dans ce sens-là, je veux dire, mais c'était plus sur la vie en général, etc. Être mauvais dans la vie, la vache, c'est super dur. Je ne commenterai pas. Par contre, il y a quelque chose qui... Alors, je pensais pas en parler tout de suite, mais on peut, vu que tu as évoqué un peu le sujet, c'est par rapport à la notion de bienveillance. Bah oui, effectivement, quelqu'un à qui on met une tête, on va peut-être pas avoir un comportement de « Ah, qu'est-ce que tu vas faire ?» voilà. Toi, Jackie, je crois que tu gères justement une communauté roleplay sur un jeu qui est assez connu pour son côté trash, voilà, pour tester certaines limites. Comment ça se gère justement, comment on crée les conditions de la bienveillance en fait? Je vais retourner un peu le truc, c'est-à-dire pas comment on gère les trolls, mais comment on crée les conditions de la bienveillance? Alors, c'est simple, c'est simple dans l'idée, après dans les faits, beaucoup moins. Il y a donc, comme je disais, donc moi c'est donc le jeu très connu évidemment, c'est donc c'est GTA. Il y a donc la communauté online du jeu direct, que quand tu achètes le jeu tu joues online, voilà. Là il y a zéro règle, là il y a zéro respect, tu peux pas faire un pas sans avoir un avion de chasse qui te bombarde la gueule, voilà. Ça c'est zéro respect, tu peux rien faire, tu peux pas faire de braquage avec tes amis, tu peux rien faire. Voilà, il y a du free kill tout le temps, voilà. Les gens ils sont totalement gratuits. Dans la communauté que je gère, parce que je suis community manager, on va dire ça, je gère une communauté. Je suis pas seule, parce que sinon je serais morte. Voilà. Et ensuite, comment je pourrais expliquer ça? Je pense que ça se gère comme une association. On lui fait passer un entretien à cette personne pour qu'elle rentre sur notre serveur. Alors, un entretien roleplay, déjà pour juger de la qualité de son micro, la qualité de son roleplay d'une manière générale, avec des situations difficiles, parce qu'il passe une douane, donc on le met en situation de difficulté. Et surtout, après ça, enfin avant ça, il doit avoir pris connaissance d'un règlement. Un règlement très... Enfin, pas très strict, mais un règlement suffisamment strict pour lui dire si tu viens ici et que tu lâches des insultes gratos en tirant des balles dans les têtes à tout le monde, bah, tu vas retourner à jouer à GTA Online. Voilà. Donc, on essaye d'établir des règles. La plupart des gens qui viennent pour, qui postulent entre guillemets pour notre serveur, c'est des gens qui ont envie de roleplay comme du jeu de rôle papier. Voilà, ils incarnent un personnage différent de ce qu'ils sont. Même si ça continue à être dans l'illégal, même s'ils vont faire des braquages, et même si ça ressemble encore un peu à du GTA, mais c'est du GTA contrôlé avec des flics qui ne sont pas des IA, avec des EMS qui ne sont pas des IA, enfin des médecins qui ne sont pas des IA. Donc voilà, on est dans un jeu vidéo, mais que toutes les personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez interagir, sont de réelles personnes. Donc du coup, il nous faut un cadre, donc des règles que s'ils ne respectent pas, on les prend à part. En tout cas, moi, je joue la méchante dans le coup. Je viens les chercher et je leur dis, bah écoute, là t'es gentil, mais si tu recommences, soit je te banne, soit je sais pas, parce que je fais de toi, je te fouette. Enfin, on voit, tu vois. Voilà, c'est bienveillant, c'est bienveillant. Mais en fait, c'est toujours bienveillant. Et en général, ils sont d'accord pour que je les fouette. Je sais pas pourquoi. Mais moi non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on établit des règles et du coup, on les fait respecter. Il y a d'un côté les développeurs qui s'efforcent de satisfaire la communauté qui est un peu exigeante, parce que c'est les gens en général, ils sont exigeants, voilà. Donc du coup, ils développent des choses pour apporter du contenu. Nous, on gère les gens. Il y a des modérateurs qui gèrent les conflits directement et nous, on gère les modérateurs. Donc du coup, voilà, on a une mini-entreprise faite des bénévoles et de volontaires et de gens motivés et impliqués. Et du coup, comme on a un bon feeling entre nous, eh ben, on arrive à gérer des communautés. En général, ils sont plutôt contents. Donc voilà. Alors là, on a vu l'aspect online, où en plus, on a une capacité de tri qui est assez forte. J'imagine que dans la vie réelle, mais je trouve ça une expression un peu exagérée. Disons, loin des écrans, c'est une autre paire de manches. À la Reine des Jeux, je crois que c'est les mardis, au Sins 42 à Rennes, vous organisez des soirées jeux. J'imagine que le tri est peut-être un peu plus compliqué. Comment ça se passe? Comment vous faites pour gérer peut-être les gens qui viennent peut-être pas pour la même chose? Oula. Alors on n'a pas vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs populations hein, qui fréquentent le bar et des fois c'est des gens qui sont moins moins comme les gens avec qui on a l'habitude de jouer, mais du coup, c'est tout le principe d'être dans un bar, en fait. Donc, c'est pas facile comme question. Hein. J'ai pas de réponse. on essaye d'accueillir au maximum tout le monde, les gens qui veulent jouer et qui ont envie de jouer, parce qu'on est là pour faire jouer les gens et pour animer. Mais du coup, c'est vrai que... Bon, j'avoue qu'une fois, je me suis retrouvée à jouer à un jeu à identité cachée avec un mec bourré qui a fait n'importe quoi et que ma bienveillance en a un peu pris un coup, quand même. Il faut avouer que... voilà, donc c'est pas forcément, effectivement, toujours facile. Globalement, ça se passe bien. Ça nous arrive rarement d'avoir à gérer ce genre de choses. Mais quand même, c'est le jeu de l'endroit où on se trouve... Parfois, c'est pas toujours facile. Et par contre, je voulais juste rebondir sur quelque chose que je trouve génial dans le jeu, etc. C'est que moi, je connaissais pas Jackie avant de venir et que c'est grâce à Vianney que je viens de la rencontrer et que je viens de découvrir un truc sur GTA, les communautés, tout ça, que je connaissais absolument pas et que je savais même pas que ça existait. Donc voilà, j'ai encore fait une belle découverte ce soir. Tu parlais du coup d'éventuelles expériences où on se retrouve dans un bar où il peut y avoir un mec bourré. Bon, ça, a priori, c'est le concept du bar. Il y a aussi des soirées, parce que là on a parlé du Sins 42, mais il y a aussi des soirées qu'organise l'asso, ou même sans parler forcément de l'arène des jeux, ta pratique du jeu de société, ça peut être en festival, j'imagine que tu as fait des festivals, il y a les week-ends aussi de l'asso, etc. J'imagine qu'il y a forcément des gens qui rentrent dans l'asso, qui sont des nouveaux, qui sont des gens qui d'ailleurs vont peut-être pas rentrer directement, mais qui vont participer à ce qu'organise l'association. Est-ce que, comme ce que disait Jackie, en fait, comment vous faites, comment toi tu fais et comment l'asso fait pour peut-être essayer, est-ce qu'il y a un tri? Est-ce que s'il y a un tri, comment est-ce qu'il se fait? Parce que ce que disait Jackie tout à l'heure, je trouve ça intéressant. Dans le jeu vidéo, en tout cas avec le prisme de l'écran, tu peux ban quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux dire dégage, c'est terminé et voilà, et on s'en fout, c'est fini. Dans la vie, c'était un petit peu compliqué de faire ce genre de choses. Est-ce que, enfin, comment tu fais pour aller créer la relation avec l'autre alors que tu ne le connais pas et t'assurer justement de cette bienveillance? Est-ce que la question est un peu tricky, j'avoue. Mais vous ne m'avez pas dit que je devrais répondre à des questions aussi difficiles. Hein. J'essaie de réfléchir en même temps. En vrai, j'ai quand même jamais eu quand même trop le cas, en tout cas au moins pour l'expérience d'arène des jeux, d'avoir des gens où on se dit non, mais ça ne va pas du tout le faire, ils ne peuvent pas rester dans l'asso, il faut qu'on les fasse sortir, etc. Comme partout, il arrive d'avoir des gens avec qui on a moins d'affinité. Je m'en tirais pas, mais en fait, il se trouve que jusque là, par exemple au conseil d'administration, ces gens-là n'ont pas eu envie de rentrer au conseil d'administration pendant que j'y étais. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment le cas, parce que ça peut se poser en fait à d'autres assos où vraiment il y a des cas compliqués où du coup on est obligé d'exclure des membres ou des choses comme ça. Nous, ça a pas été le cas. Après, effectivement. Il y a des affinités qui se créent autour de tables de jeu, donc il y a des gens qui joueront plus entre eux, mais qui se créent par affinité. C'est pas facile comme question. Je pense que c'est parce que j'ai pas rencontré des cas très difficiles. Après, c'est clair que des affinités, il y en a. Ma question était sûrement mal posée, parce que tu n'as peut-être pas rencontré de cas très difficiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as peut-être rencontré des cas très faciles, en fait. Et qu'est-ce qui fait que ce cas était très facile? Est-ce que consciemment ou inconsciemment, enfin, moi ça m'intéresserait de savoir si tu arrives à et on va passer par Jackie pour faire un petit twist et te laisser t'en réfléchir, mais à toucher du doigt comment tu fais pour justement que ça se passe bien, quasi systématiquement comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place? Est-ce qu'il y a des choses que l'asso met en place? Moi je me dis, parce que j'ai été aussi dans une association de jeux de société, et je me dis que quand tu viens dans une asso, quand tu viens jouer à un jeu de société, tu viens pas là par hasard. Tu viens parce qu'il y a des jeux de société. Donc tu es intéressé un minimum au sujet ou au thème. Voilà. Tu n'arrives pas parce que tu as vu de la lumière. Bon, à part dans un bar peut-être, si tu veux. Mais, voilà. Mais dans ces cas-là, tu bois et tu ne vas pas jouer, quoi. pour le jeu vidéo en ligne, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un qu'on ne le prenait pas parce qu'on n'était pas sur PS4. Voilà. Donc, voilà, il y a des... Ou alors, ils ne cherchent pas tout à fait la même chose que nous. Parce que, par exemple, y a, au-delà du fait de la plateforme, il y a aussi... beaucoup de serveurs différents. Il y en a qui vont faire de l'Apocalypse. Sur GTA, hein, de l'Apocalypse. Il y en a qui vont faire du Serious RP, donc RP sérieux avec un maire, un policier, un EMS, un journaliste ou peu importe. Et il y en a qui vont faire tout un tas de trucs avec des factions de combat, un peu comme du Battle Royale, mais avec des factions un peu éparpillées, des trucs comme ça. Et du coup, ils ne tombent pas forcément sur ce qu'ils veulent dès le début. Donc nous, on est obligé de faire le tri. Après, je pense que c'est beaucoup moins le cas dans le jeu de société parce que si tu viens, même si tu arrives parfois, peut-être on va dire par hasard, ok, parce que c'est un bar, tu peux t'intéresser au truc. Et si tu t'y intéresses pas, tu passes ton chemin. Enfin, tu n'es pas obligé de leur parler, du coup. Moi, je pense que si on vient te voir pour dire je veux rentrer dans l'association, c'est que vraiment, c'est spécifique. Là, le mec, il ne peut plus douter. Voilà, il est intéressé un minimum. Après, si la personne, la personne humaine en elle-même est chiante et indisciplinée, oui, bon, là, ok, il faut prendre des mesures. Voilà, mais tu peux pas le savoir avant. Ouais, c'est peut-être. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit, parce qu'en fait, on vient pas nous voir en général pour nous dire on veut rentrer dans l'association. C'est vrai que ça se fait par le biais des soirées. Donc les gens, ils arrivent où le mardi soir en disant bah tiens, on veut découvrir, etc. Et puis du coup, si ça se passe bien, éventuellement ils restent ou ils reviennent. Enfin, ça dépend. L'avantage de la soirée du mardi, c'est que du coup, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être adhérent. Donc du coup, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, on n'est pas obligé de revenir. La soirée du mercredi, c'est en général des jeux un peu plus lourds, etc. Et donc, les gens, ils peuvent venir tester une soirée ou deux avant de voir si ça leur plaît et après de voir s'ils restent, ils restent ou pas, quoi. Mais après, je pense pas qu'on ait de dispositif spécifique là-dessus, mais ça se fait un peu... C'est vrai que ça se fait un peu de soi-même et après il y a des affinités qui se créent, donc quand quelqu'un on l'apprécie pas trop dans l'assaut, enfin on joue pas trop avec lui, enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver des modes de fonctionnement de ce type-là, je pense par rapport à ça, quoi. Et maintenant j'ai envie de passer à l'étape d'après. Maintenant que la personne est rentrée un peu dans le groupe de jeu, que c'est un plan jeu, ok. Ça commence à devenir régulier. Et ben des fois, en fait, peut y avoir des dissensions, des petites tensions. Comment vous gérez ça? Je pense notamment à la vie associative où c'est pas évident, des fois, de dire bah tiens, bah non, là en ce moment, on est plutôt dans une phase jeu de cartes. Donc, bah non, là, tes jeux avec tes figurines, on va laisser un peu de côté temporairement. Comment vous gérez ça, en tout cas au sein de l'arène des jeux? Alors, en fait, nous, on n'a pas de jeu de cartes ou de figurines. Donc, on fait quasiment que du jeu de société. Alors, ça dépend. Dans les jeux de société, il y a aussi un peu de la partie cartes. Mais en fait, on n'a pas... nos soirées, en fait, les gens, ils jouent un peu à ce qu'ils veulent. Ils amènent leurs jeux. Ou alors, il y a les jeux de l'assaut. Quand on fait des événements publics, bah, on fait aussi un peu en fonction de... en fait, en tout cas, au sein de l'arène des jeux, il n'y a pas d'espèce de courant sur tel type de jeu ou tel type de jeu. C'est plus, on est là pour faire découvrir le jeu et donc il n'y a pas vraiment de dissension de ce type-là qui peuvent exister, je pense, dans d'autres associations. Mais nous, on n'a pas du tout le cas, en fait. Peut-être côté en ligne, ça peut arriver. Enfin, voilà, sur bah tiens, non, en ce moment, on va plutôt jouer à GTA. Oh bah non, là, c'est la saison, Apex vient de sortir. Ce qui est bien avec le jeu en ligne, c'est que t'es pas obligé. Voilà. C'est mieux pour la régularité, mais t'es pas obligé de jouer tous les jours. Ton personnage ne vit pas quand tu n'y joues pas, mais les autres continuent à vivre. Après, si tu dépends de personnes, effectivement, ils ont un peu plus compliqué d'avancer sans toi. Mais il y a toujours des moyens d'avancer. Moi, je prends mon exemple, je joue avec donc mes amis, mais avec aussi beaucoup d'inconnus que je croise au fur et à mesure de mes jeux. Moi, je ne joue pas du tout à Apex. Mes amis jouent à Apex, mais on joue à d'autres jeux ensemble. On joue à Rust, par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'autres jeux en ligne où on peut se retrouver en groupe et jouer. Il y a pas de... Nous, on n'a pas de restrictions parce que si les gens viennent sur notre serveur pour jouer. On ne va pas leur dire que tu es là tous les jours et tu ne vas pas aller sur un autre serveur et tu ne veux pas jouer à un autre jeu. on peut pas leur les restreindre. Donc ils y viennent quand ils ont envie. Et du coup, nous, notre but, c'est de leur donner envie de plutôt jouer à notre jeu, à notre serveur, plutôt que d'aller voir Apex et autres joyeusetés. Et je pense, en fait, je pensais aussi notamment à ça sur quand on doit jouer collectif, en fait, dans le sens où quand on doit jouer collectif, on doit parfois mener des gens. Et ça, c'est pas forcément simple. Manager, c'est un métier. Et encore plus, j'imagine, je me souviens d'un article, je crois que c'était dans le Canard PC, où il y avait un vrai guide de comment gérer ses troupes en jeu. J'étais assez halluciné de voir la rigueur que ça demandait. Ah oui, alors il faut faire des débriefings pour dire alors voilà, toi t'as bien fait. Et j'étais assez halluciné et je me suis dit, ah ouais, tiens, la vache, en fait, avoir des plans en jeu réguliers, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je te vois opiner du chef, Jackie. Parce que, en fait, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire que. Sur GTA, en tant que community manager, pour justement garder les gens, on fait des débriefs, on fait des réunions communautaires, on débriefe avec les gens, tout ça. Tu as parlé du jeu collectif. Comment on s'organise quand on joue, quand on est obligé de jouer avec des gens ? Et ben moi, c'est mon cas parce que je joue au jeu de rôle en ligne. Voilà, au jeu de plateau, au jeu de rôle, comme on pourrait jouer sur papier avec les cartes, les fiches, personnages, tout ça. Sauf que moi, c'est un fichier Excel et je joue avec des gens éparpillés dans le monde entier. Et pour jouer avec ces gens que je ne peux pas voir, je leur donne rendez-vous parce que sinon, on ne peut pas avancer. Là, on est obligé de jouer en groupe. Donc du coup, je leur donne rendez-vous. On se donne des rendez-vous, on fait des doodles et des machins, on regarde le dispo et on joue. Et ça, et mon maître, le maître du jeu avec lequel je joue est très flexible. Il a... Lui, je sais pas comment il se débrouille, mais il gère une communauté un peu plus grande de joueurs pour le même jeu. Sauf que du coup, il y a plein de groupes dans la même histoire. Il fait plein de scénarios pour plein de gens, mais dans la même histoire. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup se retrouver à jouer avec des gens que je n'avais jamais croisés parce que on les croise dans le jeu au bout d'un moment. Alors après, en jeu de plateau, c'est peut-être un peu plus compliqué comme de voir l'équivalent de ma question. Et pourtant, il y a quand même un certain nombre de jeux collectifs. Je pense notamment, je me rappelle d'une partie ce jeu qui reprend les 7 samouraïs de Antoine Boza, Samurai Spirit, exactement. Heureusement que j'ai un ludiqueur à mes côtés. Où on joue, en fait... je crois que c'est jusqu'à 7 personnages qui doivent résister à la mécanique du jeu. Là, on doit trouver des stratégies, des choses très fortes. J'imagine que c'est des choses que Valérie, tu as déjà dû observer plusieurs fois. Comment on s'organise avec des inconnus ? Alors, sur les jeux coopératifs ou sur l'organisation de l'association ? Alors, j'avoue que sur les jeux coopératifs, moi, je joue beaucoup avec mes amis, en fait, justement parce que oui, c'est pas plus facile. En fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai changé mon profil de joueuse. Parce que je pense que comme j'ai commencé à jouer, j'étais plutôt jeu compétitif, faut le dire. Et j'arrêtais pas de dire à mes potes, oh, de toute façon, moi, jeu coopératif, j'aime pas trop ça, voilà. Et en fait, depuis quelques temps, je fais énormément de jeux coopératifs, mais plutôt avec des gens que je connais très bien. Sur le jeu coopératif, je pense que il y en avait pas beaucoup il y a quelques années, ça a beaucoup explosé. Et il y a quelques années, il y avait un peu cette problématique de des fois quand on jouait, qu'il y en avait un qui prenne le lead, etc. Et du coup, c'était beaucoup moins agréable. Je pense qu'aujourd'hui, la diversité des jeux coopératifs fait que ça a un peu changé. Tu veux rebondir, Vianney, là-dessus ? J'allais rebondir parce que. Effectivement, je crois qu'il y a eu, tu viens de le dire, en fait, il y a eu un énorme virage. Et ce que j'allais te demander, en fait, est-ce que c'est pas ce virage-là ? Mais donc voilà, tu as répondu à ma question, c'est pour ça que c'est bête d'intervenir. Mais je pense que le virage mécanique aide énormément à prendre son pied aujourd'hui sur des jeux coop en jeu de sauce. Parce que même si moi j'ai toujours adoré ça, que ce soit du jeu vidéo ou du jeu de plateau, j'adore la sensation de la coopération avec l'autre. Mais c'est vrai que le syndrome du leader que tu viens d'expliquer, qui grosso modo est un syndrome qui fait que. Pour expliquer aux auditeurs si vous ne connaissez pas le principe, sur un jeu coopératif, dans 90% des cas dans les vieux jeux, si quelqu'un connaît bien le jeu, il est capable de guider tous les autres pour jouer au mieux. C'est-à-dire qu'il connaît le jeu, il connaît les stratégies, il a déjà joué, et du coup il peut dire fais ci, fais ça, faites ci, faites ça. Et il va leader la partie, et en fait, pour être très caricatural, il va jouer tout seul. Ce qui est une sensation excessivement énervante pour les autres. Après, et je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, c'est pas un problème de jeu, c'est un problème de joueur. Mais puisqu'on peut tous se faire violence et fermer sa mouille. Voilà, non mais du coup, voilà, pour te redonner la parole Valérie, et je, enfin, pour te remettre là où tu en étais, jouer à des jeux coop aujourd'hui avec les nouveaux jeux coop, qu'est-ce qui fait que c'est un truc qui... Pourquoi t'as basculé ? Pourquoi t'es passé du compète au coop ? Encore une fois, là, du coup, on est moins dans la question plan de jeu régulier, enfin, quoi que si, parce que justement, ça, c'est bien ça qui s'est transformé pour moi. C'est-à-dire que les gens que je connaissais pas il y a 10 ans sont devenus mes amis aujourd'hui. Et je prends beaucoup de plaisir à jouer avec eux à des jeux coopératifs. Donc, du coup, voilà, c'est, je pense que c'est vraiment le fait aussi qu'il y a des gens avec qui vraiment j'adore jouer aux jeux coopératifs. Et puis, il y a aussi le type de jeu coopératif. Là, on vient de finir Détective. Enfin, on vient de finir le cinquième scénario de Détective. C'est juste... Pardon. Non, je ne spoilerai pas, mais c'est génial. Et sinon, le meurtrier, c'est... Non, pardon. Enfin, c'est juste génial. Et c'est vrai que... ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ensuite, pour revenir sur ta question d'avant sur au niveau organisation et association... alors, je ne sais pas si on est... en fait, moi, ça fait quand même un moment, effectivement, je suis à Arène des Jeux. Et les CA d'Arène des Jeux, c'est quand même plutôt à la bonne franquette. Hein. On mange une raclette, on discute. Enfin, voilà, on prend des décisions plutôt ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours tous d'accord sur tout. Hein, mais en tout cas, on n'est pas dans une association où il y a du conflit ou alors où c'est compliqué. Par contre, on est dans une association où, par le biais du plan jeu régulier, en fait, où les membres du CA en fait, sont un peu les mêmes que ceux d'il y a 10 ans, hein, dont moi la première. Et où du coup c'est pas forcément facile d'intégrer des nouveaux par exemple au CA et de renouveler le CA, mais aussi parce que ça tourne. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit ouais bah, en fait ça tourne, vous ça tourne, vous faites vos événements, les week-end jeux qui marchent très bien, etc. Ça tourne. Sauf que du coup comme on est un peu tous devenus beaucoup, enfin aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis qui sont au sein d'Arène des Jeux, il va quand même pas, enfin voilà, c'est comment faire ce switch aussi. C'était des inconnus au début. Je les ai rencontrés en asso. On est maintenant tous ensemble dans le salle de l'association. C'est devenu des amis. Et comment on switch sur la suite pour réintégrer des inconnus et pérenniser tout ça ? Mais en fait, tu as ma question. Comment vous faites ? Voilà. Qu'est-ce que tu veux demander après ça ? Et bah aujourd'hui, j'ai pas complètement la réponse. Donc on arrive à intégrer une personne ou deux par an. Mais du coup, c'est une vraie question que je me pose parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout. J'ai pas du tout envie de partir. En fait, j'adore ce que je fais. Ça me fait triper. Mais la problématique, et c'est le cas dans beaucoup d'associations aussi, c'est que du coup, si on arrête tous en même temps, qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc, je sais que on commence quand même à renouveler. Baptiste, qui était là, enfin qui était le président avant moi, est sorti du CASTAN, non pas parce qu'il avait vraiment envie de sortir, mais parce que du coup aussi pour renouveler un peu. Après, nous, on n'est pas dans un CA où les gens se battent pour rentrer. On fait des élections de folie, enfin, c'est ouvert à tout le monde, mais du coup on n'a jamais 15 candidats pour deux places, quoi. C'est plutôt donc aujourd'hui on arrive à faire rentrer une personne, etc. Mais c'est une vraie question que je me pose pour plus tard en fait. Et côté jeu en ligne, alors toi tu as décrit, Jackie, tout à l'heure, une communauté qui était plus large en fait que ta simple position, tu n'es pas la seule chef dans ta communauté. Justement, comment intégrer des nouveaux ? Parce que c'est ça, en fait, la question, et renouveler donc la communauté de joueurs et de joueuses. Alors, nous, bah justement, nous, c'est notre principal problème, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas un problème, mais je veux dire, c'est notre objectif, c'est toujours d'avoir des nouveaux. À l'heure actuelle, sur le serveur sur lequel je joue, on n'est pas complet tous les soirs. Les gens ne sont pas obligés d'attendre pour venir jouer avec nous. Ce n'est pas non plus l'objectif, parce que moi-même, je n'attendrai pas pour jouer. Hein. Si je suis sur file d'attente, je me casse, hein. Très clairement. Mais notre objectif, c'est de ramener des joueurs. Et nous, pour nous, on connaît l'intérêt des gens, donc on essaye de travailler là-dessus. Il faut du contenu, il faut des gens présents, il faut... Voilà. en ce qui concerne la communauté, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils me mettent dans mon travail, pour qu'ils aident les développeurs. Parce que nous, moi, je suis juste en dessous des développeurs. J'ai quelqu'un qui est avec moi, qui m'a dit, bah, Jackie, j'ai besoin de toi, viens m'aider. J'ai dit, OK, je viens t'aider. Et en dessous, il y a les modérateurs et les recruteurs. Et pareil, eux aussi, c'était des gens avec qui on a joué, avec qui on a eu des affinités, parce qu'ils se sont investis très vite. Et du coup, on les a pris aussi dans le staff, on va dire ça comme ça, on appelle ça le staff. Et du coup, c'est pareil, il faut qu'on les rencontre in-game, voir comment ils sont humainement, comment ça se passe quand on... Une fois qu'on a fini de jouer, on se rend compte parce qu'on est sur Discord. Et du coup, on discute souvent après les parties et voir comment ils sont humainement. Et si jamais ça accroche, eh ben on leur dit, bah écoute, toi t'es motivé, je vois que tu t'investis beaucoup, tu fais beaucoup de choses, on te voit partout. Bah écoute, est-ce que ça te dirait de... recruter les nouveaux, ou est-ce que ça te dirait de gérer les conflits, voilà, ce genre de choses. Donc du coup, selon le degré d'affinité qu'on a avec la personne, surtout si on sait qu'elle va bien gérer les conflits, enfin qu'elle est posée et qu'elle va pas sortir de son corps à chaque fois qu'il y a un souci, bah du coup là on peut lui dire, bah tu seras modérateur, et si jamais c'est un peu plus compliqué, on lui dit, bah tu seras recruteur, et puis voilà. Donc voilà, nous on recrute selon l'affinité, parce que c'est hyper important, parce qu'on travaille tous ensemble. Si jamais on s'entend pas avec quelqu'un, ça va être compliqué à gérer. Et pour amener des joueurs, eh ben on travaille sur le corps du jeu en lui-même. On dit, il y a des événements, il y a plein de joueurs, ils sont tous sympas, venez jouer, ça, vous allez voir, ça va être rigolo, même si c'est sérieux, ça va être rigolo. Et question que pourrait poser un rôliste papier, parce que je te vois, tu me regardes bien, non ? Et question que tu pourrais poser un rôliste papier, c'est comment on crée une narration avec tous ces gens inconnus qu'on ne connaît pas ? Parce que autant un jeu de société... Bon, hein, l'histoire de la bonne paye. Je prends le truc le plus caricatural du monde. Allez, hein, l'histoire de la bonne paye, ça va, franchement. Mais par contre, un truc... Je peux pas te laisser dire ça, parce que la bonne paye, c'était les jeux que je connaissais quand j'étais petite. Quand je connaissais 3 jeux de société, en fait. Le Monopoly, la bonne paye. Avant que je découvre ce que c'était vraiment le jeu de société. Bon, allez, d'un Ghost Stories. Hein, l'histoire d'un Ghost Stories. Ça va, globalement, au niveau narration, même si j'aime beaucoup le travail sur Ghost Stories, ça va. Par rapport à un jeu de rôle avec des histoires et en plus des gens qui inventent leur partie, ça devient un sacré Big Mac. Comment on fait ? Eh ben moi, je trouve ça très intéressant, parce que du coup, ça apporte de la difficulté. Si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'oblige à faire. Et moi, pour le coup, alors non seulement je joue dans un univers que je ne maîtrise pas, avec des gens que je ne connais pas, avec un maître du jeu que je n'ai jamais vu, mais et je joue un personnage que je n'ai jamais l'habitude de jouer non plus aussi. Donc du coup, tout pour moi est challenge et nouveau, mais ce qui est cool, c'est que bah, là, on parlait de bienveillance, tout ça, et ben, ces gens que je ne connais pas, sont bienveillants avec moi. Si je ne maîtrise pas le sujet, si je ne maîtrise pas les étiquettes, parce que c'est dans un monde médiéval asiatique, il y a donc des étiquettes bien particulières. Moi, je n'ai pas forcément tous les termes. Du coup, je fais genre pause. Si je dis ça, c'est bon. Ils vont m'aider, tu vois. Voilà, donc au bout d'un moment, je n'ai plus besoin d'aide. Mais dans le jeu de rôle informatique qui pourrait être papier, les inconnus sont bienveillants, donc du coup c'est pas compliqué, en vrai c'est pas compliqué, ça donne du challenge, mais non, c'est pas difficile. Et non, mais alors pour le coup c'était pas tout à fait ma question, mais c'est pas grave, c'était plus en termes de narration, en termes d'histoire, en fait comment on arrive à créer une histoire avec autant de gens qui peuvent faire nawak à tout moment. Bah, justement non, parce que oui, alors oui, dans le jeu, je pense que ça ne change pas du jeu de rôle papier, c'est à dire que le maître du jeu reste un maître du jeu. Si le joueur fait n'importe quoi, le maître du jeu le rattrape. C'est le maître du jeu, donc il fait ce qu'il veut. Après, on est dans des mondes bien spécifiques, c'est au joueur de s'adapter. Là, c'est pas l'inverse. C'est le joueur qui s'adapte, c'est pas le maître du jeu. Donc du coup, tu sais que tu vas rentrer dans un univers comme ça, tu sais que tu vas jouer un personnage comme ça, libre à toi de faire ce que tu veux, mais tu vas le payer. Parce que le maître du jeu, lui, il a envie d'avancer, donc si tu as envie d'aller à Perpète, tu vas aller à Perpète, mais tu vas plus jouer, quoi. Donc voilà, c'est là, pour le coup, pour le jeu de rôle papier et informatique, puisque ça ne change pas vraiment, le maître du jeu est maître du jeu. Donc il gère sa communauté comme il l'entend, puisqu'il est tout seul. Après, je me permets de rebondir, du coup, parce que on peut mettre du roleplay dans GTA, qui est un jeu qui n'est pas roleplay par essence. On peut mettre aussi du roleplay dans un jeu de plateau. On parlait de Ghost Stories, on parlait de Samurai Spirit. On peut y jouer de manière très froide et très leadeuse, avec un joueur qui va dire faites ci, faites ça, faites quatre actions, et piochez quatre cartes, lancez vos dés, regardez vos faces et on a gagné. Comme on peut vivre le truc de manière excessivement profonde en termes de narration. De passe cette balissade, va taper le méchant qui a l'air là-bas, il a l'air d'être particulièrement virulent, quel pouvoir on pourrait utiliser, tiens, le pouvoir de la bête. Je pense que, je voulais réagir aussi par rapport à ça, et passer par la suite la parole Valérie, parce que je pense que la pratique que tu décris depuis tout à l'heure, Jackie, qui est très claire, parce que c'est clair, t'es sur un serveur RP, donc t'es là pour ça, dans le jeu de société, ça dépend à mon avis extrêmement de notre plongeur régulier. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que le jeu devient un jeu de rôle ou pas ? Est-ce que finalement, ce n'est pas juste une question de comment est-ce qu'on va appréhender cette rencontre ? Comment est-ce qu'on va appréhender les gens ? Est-ce qu'il est possible déjà de faire ça, quel que soit le contexte, quel que soit le jeu, quelles que soient les personnes autour de la table ? Je ne sais pas si tu as eu des expériences un peu de joueurs ou de jeux sur lesquels tu as pu vivre quelque chose qui était plus juste de la méca. Puisque bon, la grosse différence entre jeu de société pour moi et jeu de rôle, même la grosse particularité du jeu de rôle, c'est que la mécanique est clairement au troisième plan. Ah ouais, gros débat, ok, très bien. C'est mon point de vue, en tout cas, de joueur. Je ne dis pas que c'est du tout absolu. Hein. Mais en tout cas, pour moi, la mécanique d'un jeu de société, elle est au premier plan. Si la mécanique ne fonctionne pas, ça va se péter la gueule. Enfin, 99% du temps. Si la mécanique d'un jeu de rôle ne fonctionne pas, normalement, tu vas la patcher. Tu vas la changer et tu vas en faire ce que tu veux. Si tu arrives à faire ça sur un jeu de plateau, à mon avis, tu t'es trompé dans ton achat. Mais voilà. Le produit est vraiment là. Du coup, ma question, elle est un peu là. Est-ce que ça t'est arrivé ? Est-ce que c'est des choses que tu as pu ressentir, d'avoir une appréhension du média qui est le même, le média jeu de société, que selon les joueurs avec lesquels tu es autour de la table, selon la configuration, est-ce que c'est d'ailleurs avec des gens qui sont devenus des amis que ça peut plus t'arriver ? Est-ce que avec un inconnu, c'est faisable ? D'avoir un prisme où on ne va pas être exactement dans la même manière d'appréhender le jeu qu'on est en train de vivre. Alors, je ne suis pas bien sûre d'avoir complètement compris la question. Mais du coup, je vais faire une réponse. On va voir si ça répond à ta question. Sur le... Enfin, alors moi, un de mes mécanismes de jeu préférés, c'est le jeu à identité cachée. Et donc, typiquement... Alors, je vois que t'es mort de rire. Je sais pas si c'est parce que tu t'imagines des trucs bizarres. Alors, du coup, les jeux identité cachée, c'est des jeux souvent où il y a deux équipes. Enfin, on a un rôle caché qu'on connaît pas. Il y a deux équipes. Et donc, chaque équipe a... voilà, comme Loup-Garou, par exemple, c'est le jeu le plus connu à identité cachée. J'avoue, du coup, on fait pas trop roleplay parce que moi, mon jeu identité cachée préféré, c'est Secret Hitler, et donc du coup, on essaye de pas trop faire du roleplay sur Secret Hitler parce que bon, non, donc je déconne, non, mais c'est un très bon jeu identité cachée, mais c'est vrai que du coup, le titre ferait que voilà. Et donc, sur le jeu identité cachée, bah, c'est vrai que tu peux te retrouver si les gens sont pas dedans, enfin, il y a quand même un côté très chat, bluff, etc., et donc effectivement, au bar, parfois, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient moins dans la partie, et forcément il y a ce côté là aussi un petit peu quoi. Et je sais pas si ça répond à ta question, mais après moi j'ai pas une grosse pratique de jeux de société où on est dans le roleplay, mais par contre des jeux où il y a des mécanismes un peu spécifiques où faut parler, où faut bluffer, où faut etc, forcément ça peut être, enfin c'est pas discriminant, mais du coup ça convient pas à tout profil de joueur quoi. Je fais une micro-transition et après je passe la parole à Adrien. Parce que du coup c'est intéressant, tu parles de Secret Hitler, ça me fait écho à l'épisode que j'ai enregistré avec Manuel il y a quelques temps sur la propriété intellectuelle. On a parlé à ce moment-là de Cards Against Humanity. Pour information, Cards Against Humanity et Secret Hitler sont faits par les mêmes personnes. Ce sont des jeux qui sont faits pour passer un message politique avant tout et qui sont des jeux gratuits, disponibles, c'est-à-dire sous licence Creative Commons. Vous pouvez les télécharger gratuitement, les imprimer chez vous. Et je vous invite tous qui avaient tiqué au moment du nom à télécharger ce jeu, parce que l'idée qu'il y a derrière en termes de politique est juste excellente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de position, c'est juste d'expliquer comment on peut arriver à un moment donné à avoir une prise du pouvoir par des idées qui peuvent être aussi grandiloquentes. je vais pas aller dans le jugement parce que c'est voilà, mais c'est très intéressant. Et je vous invite vraiment, encore une fois, à ne pas acheter d'éventuels jeux qui seraient des piratages de ce jeu-là. Il n'y en a pas encore, mais prenez le temps de savoir autour de vous. Je continue l'épisode sur l'API qu'on a eu, mais vraiment, allez-y, téléchargez-le. C'est gratuit, c'est fait pour, c'est pas du piratage. C'est excellent et c'est vraiment un super jeu. Je repasse la parole à Valérie. Je rebondis juste sur ce jeu parce que pour la petite histoire, j'ai quand même dit à mes deux fils qui ont 6 et 9 ans de ne pas dire à l'école que maman jouait à Secret Hitler et que son personnage préféré, c'était de faire Hitler parce que c'était le plus intéressant à jouer. Donc forcément, mais je rejoins Vianney sur le fait qu'effectivement, c'est vraiment un jeu excellent et il y a vraiment ce mécanisme sur ce jeu Identity Caché de... voilà, si Hitler devient chancelier, enfin bref, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu excellent. C'était pas le thème de l'émission, mais c'est un jeu que j'adore et, que, et auquel je joue beaucoup. Non, mais en fait, il y a un truc. J'avais une question à la base et en fait, ça peut très bien s'allier avec ce jeu-là. Ma question, c'était comment on gère les débutants ? Comment on gère les gens qui ne. Alors, certes, peut-être que vous avez joué plusieurs fois avec eux, mais seulement là, c'est pas leur type de jeu, c'est pas leur type de mécanique, ils sont pas bons en mind game, par exemple. Et du coup, bah, ils sont perdus. Et comment on les accompagne sans justement avoir ce syndrome du leader ? C'est quelque chose de très compliqué avec un plan jeu régulier. Et je sais pour ma part que je connais des personnes qui ont cette tendance de dire « Non mais attends, il faut que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu vas voir, on fait comme ça, et puis bah, comme ça, là, tu vas avancer vachement. » Comment vous gérez ça sur, comment vous accompagnez des débutants ou des débutantes dans le la découverte d'un jeu, alors ça peut être bah tiens, non mais faut pas que tu dises ça parce que sinon tu vas forcément passer pour Hitler. Voilà, c'est... Je vois que Jackie, tu opines du chef. Oui, pour le coup, dans le... sur mon serveur, enfin sur le serveur, ça arrive assez souvent qu'on rencontre des débutants dans le monde entier. Moi, j'ai un ami québécois que je n'ai jamais vu de ma vie, qui son premier serveur RP est le serveur dans lequel il joue actuellement avec nous. Le plus simple, nous, ce qu'on conseille aux gens, bon après c'est trop tard parce que quand ils passent la douane, ils ont déjà leur background, mais on leur conseille de faire un personnage assez proche de ce qu'ils sont réellement pour les habituer à... Enfin, en tout cas, dans leur caractère, hein, parce que, bon, il ne va pas les braquer des banques tous les matins, mais voilà. Proche dans le caractère pour l'habituer à parler avec des inconnus, voilà, parce que quelqu'un de timide, bah, forcément, il est aussi timide même à travers un écran. Donc, du coup, voilà... Proche de l'arrêter au début, et après, une fois qu'il est à l'aise, qu'il comprend que c'est pas si difficile, que la communauté va pas lui cracher dessus parce qu'il fait un accent belge alors qu'il est pas belge, ou qu'il fait un accent allemand alors qu'il est pas allemand, voilà. On trouve ça drôle, nous-mêmes d'ailleurs, de voir... Moi, j'ai rencontré en RP, il y a pas longtemps, un Allemand, je suis morte de rire à chaque fois qu'il ouvre la bouche, parce que c'est cliché au possible, mais c'est rigolo. Du coup, on accepte tout à fait ce genre de choses, et donc, pareil pour les débutants, s'ils sont pas à l'aise, même s'ils font un truc, ils ont décidé de faire un mafieux, les mecs qui sont sûrs d'eux, tout ça, quelqu'un qui est sûr de lui ou quoi, on lui donne des conseils, on lui dit, bah, on fait les choses comme ça, mais en hors jeu, parce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne aussi dans le RP sur GTA, c'est que quand t'es en jeu, surtout que des fois il y a des gens qui streament, donc qui diffusent en direct la partie, on ne peut pas faire du hors jeu, on ne peut pas dire là, ton PC il a un problème, GTA il est en train de friser, enfin c'est la merde. Tu peux pas dire excuse-moi j'ai un bug cerveau, je reviens. C'est pas, ça se fait pas. Personne dit ça dans la vraie vie, voilà. Donc on dit excuse-moi j'ai un appel, on sort son téléphone de jeu et on appelle quelqu'un complètement fictif et on s'éloigne. Et après on passe d'un muret et on se déconnecte. Voilà, il faut inventer des stratagèmes qui sont pas forcément évidents pour les nouveaux. Donc du coup, on leur donne plein de conseils pour éviter qu'ils fassent du méta un peu chelou, du style « Oh, j'arrive pas à parler, mon micro marche pas !» On ne dit pas ça en jeu non plus. Donc du coup, voilà, on donne tout un tas de conseils pour les nouveaux qui ont un problème, qui pourraient avoir un problème avec le jeu, et on les accompagne. Et en général, ça se passe bien, ça se passe très bien même. Et côté loin des écrans, à l'arène du jeu ? Alors du coup, moi, je suis pas le meilleur exemple parce qu'en fait, par exemple, sur les soirées du mardi, on a deux personnes qui sont là pour animer. Moi, je viens pour jouer tous les 15 jours parce que je peux jouer tous les 15 jours. Et c'est vrai que que comme j'aime beaucoup Socrate Hitler, souvent je propose de jouer à ça. Et comment j'intègre les nouveaux ? Eh bien, si je leur donne quand même des conseils de jeu, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment des jeux assez particuliers. Quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise pour parler, etc., il va découvrir une première partie, mais il aura peut-être pas envie de rejouer, quoi. Mais en tout cas, ça lui permet quand même de découvrir une première partie. Et encore une fois, je pense que je suis pas la meilleure exemple pour le mardi, mais les autres copains qui sont là pour animer, eux, déjà, ils proposent des jeux à différents joueurs, etc. Et puis, ils sont là pour expliquer les règles, pour accompagner les gens. Voilà. Juste pour revenir sur les jeux à identité cachée, en fait, et je pense que c'est un peu pareil sur GTA, moi, dans la vraie vie, je suis foncièrement honnête, hein, mais c'est vrai que c'est les jeux, ça permet vraiment de se mettre dans des rôles et de s'éclater là-dessus. Et ouais, avec des. Pourtant, j'ai aussi fait des Socrate Hitler avec des gens que je connaissais absolument pas. Enfin, des trucs un peu. Enfin, c'est un peu improbable, en fait. Donc, encore une fois, il y a des gens qui accrochent pas. Ça dépend vraiment du type de joueur. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de se dire qu'on se retrouve autour de jeux un peu comme ça, qui sont pas du tout ce qu'on est dans la vraie vie, mais qui nous permettent de nous éclater, quoi. Enfin, moi, je m'éclate quand je joue à ces jeux-là. Non, parce que je veux rebondir exactement, parce que là on tombe sur deux choses qui, et ça se rejoint. C'est maintenant, comment ça se passe quand vous blessez quelqu'un ? Je veux dire, par exemple, quand on tombe sur un Marseillais et en face, tu joues un accent marseillais. Comment ça se passe quand tu tombes sur quelqu'un dont, dont la famille... Ça peut arriver. Encore une fois, je suis désolé. Hein. Si vous m'écoutez, je suis vraiment désolé. Mais ça peut arriver. Il faut prévoir. Alors, j'aurais peut-être pas dû parler de Socrate Hitler, effectivement. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on a un copain, enfin, du coup, on a un membre, quelqu'un qui est un Allemand dans notre association. Et avec qui on joue à ça, et c'est juste énorme. Par contre, effectivement, Brianne, je te laisserai peut-être rebondir là-dessus, parce que tu as bien expliqué le jeu tout à l'heure, mais je me suis quand même posé la question sur quelqu'un qui a une famille juive, etc. Enfin, voilà, j'ai jamais rencontré le cas, mais effectivement, ça peut se poser, et en termes de politiquement correct, je sais pas, j'ai pas de réponse, en fait, à apporter. Brianne, peux-tu m'aider ? As-tu des compléments là-dessus ? Ça va complètement rejoindre en plus la petite aparté que j'ai faite tout à l'heure par rapport à Cards Against Humanity. Ces gens-là, donc je dis pas de bêtises, je crois que c'est une asso, mais bon, peu importe, les Cards Against qu'ont fait Socrate Hitler, donc dont on parle, les Cards Against Humanity, les deux jeux sont quand même très tendancieux. Il y en a qui vont crier au scandale parce que c'est irrespectueux, d'autres qui vont au contraire trouver ça super parce que ça permet de parler de tout et de n'importe quoi, peu importe, le but il est pas là. C'est vrai que ça reste très compliqué parce qu'on peut rire de beaucoup de choses, on peut jouer avec beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut le faire avec n'importe qui ? Est-ce qu'on peut le faire dans n'importe quel cadre ? D'autant plus dans le cadre d'un bar, où effectivement on peut se retrouver, on a beaucoup ri parce que voilà, c'est drôle, mais on peut se retrouver avec des gens qui ont des idées totalement différentes de nous, et où forcément ça peut créer des vraies frictions parce que ce que nous on joue à faire, la personne en face le vit. À quel moment est-ce que tu as vraiment le recul pour faire ça. Et c'est là où moi je trouve, et encore une fois je vais réinsister parce que pour moi c'est hyper important, allez télécharger ces jeux-là, jouez-y, faites-vous votre idée, détestez-les au pire, trouvez ça nul, mais il y a quelque chose qui vient gratter en fait, qui vient gratter le joueur et l'humain qui est en nous parce que justement si on se retrouve face à un juif en jouant à Socrate Hitler, est-ce que ça vous empêchera d'aller le fustiger ou au contraire est-ce que vous allez continuer à jouer? Et c'est à quel moment on peut être dans le jeu, en fait, dans le vrai jeu jusqu'au bout. C'est très compliqué, moi, je trouve, de jouer, en fait. Est-ce qu'on peut toujours être dans le... Enfin, avec un inconnu, est-ce qu'on peut jouer, quoi ? Et moi, c'est aussi pour ça que je voulais être dans cette émission. Moi, je pense qu'on peut jouer avec un inconnu si les bonnes bases sont posées dès le début. Comme je l'ai dit, nous, les gens qui viennent jouer avec nous ne passent un entretien avant. Ce n'est pas le cas de tous les serveurs. C'est pour ça que ça ne se passe pas forcément bien partout. Il y a des serveurs en free access, qu'on dit, donc ils peuvent venir jouer et repartir comme ils veulent. Chez nous, ils ne rentrent pas comme ils veulent, mais ils partent comme ils veulent. Et quand ils viennent, on leur explique bien que c'est dans le respect de l'autre. Si il joue un allemand, il peut jouer un allemand, il n'y a pas de souci. L'autre allemand en face, le vrai en tout cas, ne va pas le prendre mal. C'est pareil, je vous parlais de mon ami québécois qui joue là avec nous. Quand on parle avec lui, hors jeu, parce que ça se passe pas in-game, on reste in-game, le personnage est un personnage, on ne réagit pas à l'accent, on ne réagit à rien du tout. Hors jeu, on réagit souvent parce que c'est le seul québécois, donc du coup, forcément, il attire l'attention, les gens l'imitent, tout ça, mais personne ne le prend mal, ni surtout pas lui. Et du coup, ça se passe bien. Après, on a aussi, je crois, nous avons un arabe avec nous aussi, qui a aussi un accent. Et lui, c'est pareil. Alors lui, on se fout, enfin, pas moi, mais les gens se foutent un peu de sa gueule parce que c'est rigolo, il a une mauvaise connexion. Mais du coup, mais c'est jamais... C'est parce que voilà, ils font référence à son pays, tout ça, c'est rigolo. Mais lui ne le prend pas mal, donc rien n'est malveillant. Et si jamais il le prenait mal, on irait tout de suite mettre la barrière en disant c'est bon, il n'a pas envie de blaguer sur ça, on ne blague pas sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sur le serveur, ce n'est jamais arrivé des cas de racisme ordinaire ou ce genre de choses. Et même si des gens font des accents qui ne leur appartiennent pas ou ont une religion qui ne leur appartiennent pas ou peu importe, jamais ça n'a été pris mal puisqu'on a posé les bases au début en leur disant les gens ici c'est bienveillant. Si dans son background c'est un Belge, un Allemand ou un whatever ce que tu veux, et ben il le sera, il n'y a pas de souci. Dans in-game, c'est un Allemand, donc il est un Allemand, donc on ne juge pas son accent même s'il est un peu chelou. Moi j'ai joué une Mexicaine. Parce que je ne sais pas faire un accent mexicain, j'ai dit, elle a étudié à l'étranger, du coup, elle a perdu son accent pour être mieux intégrée. Voilà. On trouve toujours des stratagèmes. Après, j'étais très craint comme mexicaine. Ils avaient un peu peur de moi. J'étais fière. Voilà. Moi, je crois que je vais utiliser la version facile, c'est qu'ils ont fait une version secrète Palpatine qui est politiquement beaucoup plus correcte et on s'est dit qu'on allait plutôt imprimer ça pour les festivals ou les choses comme ça. Après, bien sûr, quand on sort ce jeu-là au bar, moi, je fais toujours une petite introduction pour dire, voilà, le thème, c'est ça. Si ça vous convient pas, on joue pas à ça en fait. Enfin, c'est vraiment attention, hein, je prône pas le thème du jeu. Hein. On est bien d'accord. Je suis dans une association qui promeut la paix dans mon travail, donc. Mais du coup, c'est vrai que. Enfin, la question que tu as posée, Vianney, moi, je me la suis déjà posée aussi et. Et je le sortirai quand même pas avec tout le monde, ce jeu, je pense. Et en le sortant, je prends des précautions par rapport à ça, en fait. Moi, je me posais une question, parce qu'on tourne autour du sujet, je trouve, depuis quelques temps, de l'action que j'ai envie de poser. J'ai l'impression que dans l'approche que vous avez dans les réponses, il y a une dichotomie entre le plan jeu et le plan jeu régulier. Et j'ai l'impression qu'en fait... vous me direz comment vous le voyez, si vous arrivez à mettre le doigt sur cette dichotomie, mais moi, à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du jeu de rôle qui a une envie d'être régulier ou un besoin, parce que c'est plus compliqué de faire du jeu de rôle de manière one-shot. Et à l'inverse, une partie de Secret Hitler qui, comme tu le disais tout à l'heure, je brief les gens, ils jouent, ils aiment pas, ils se cassent. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir si, quand vous commencez à jouer à ces jeux-là, est-ce que vous vous dites, la rencontre que je suis en train de faire, elle va être justement amenée à se poursuivre, ou est-ce que finalement, d'ailleurs c'est peut-être même une question qui ne vous effleure pas, et la rencontre elle se fait, et puis qu'elle se poursuive ou pas, peu importe, mais est-ce qu'il y a cet enjeu-là ? Moi, quand je joue sur GTA, sur le serveur de GTA, quand je rencontre quelqu'un, donc déjà je le rencontre en tant que Alessia Toscani, qui est mon personnage, qui n'est pas du tout moi. Du coup, ça dépend de l'affinité que je vais avoir avec cette personne. En HRP, donc hors roleplay, la personne, j'ai envie de je suis curieuse de la connaître, cette personne, peu importe ce qu'elle est. Parce qu'elle joue avec moi, elle a joué avec moi 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, donc je suis intéressée de la connaître. en roleplay, quand je suis en jeu, si cette personne ne m'intéresse pas ou si cette personne est peut-être potentiellement dangereuse pour moi, je ne vais pas, je vais pas aller chercher contact. Donc, pour moi, ça dépend. Hors roleplay, si on parle de ça, hors roleplay, je suis toujours intéressée de connaître avec les gens avec lesquels je joue, même si c'est pour 5 minutes. Et en tant que community manager, j'ai envie qu'ils reviennent, même si je ne le croise plus jamais. Donc, du coup... ça m'intéresse toujours de savoir avec qui je joue et même si je ne le croise pas, qu'il revienne, son avis sur le jeu et pourquoi il ne veut pas revenir ou pourquoi il reste, donc, vu que c'est mon rôle. Donc moi, oui, dans mon plan jeu régulier, je joue avec tout un tas d'inconnus que je n'ai jamais vus. Parfois, j'essaie de même les rencontrer pour certains. Et oui, je m'intéresse à leur cas, donc oui, oui. Oui. Voilà, oui, je m'intéresse à leur cas et oui, je veux les connaître. Alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux en fait. En tant que membre de l'asso, du coup, en tant que même présidente de l'asso, les gens que je croise au bar, j'ai envie qu'ils reviennent et surtout, j'ai envie qu'ils reviennent pas forcément dans l'asso, mais en tout cas, qu'ils aient apprécié leur expérience de jeu, qu'ils aient trippé et qu'ils trouvent le jeu si génial que ce que je trouve. Tout jeu en fait, hein, le fait de jouer en fait et de rencontrer par le jeu. Du coup, comme je l'ai dit, moi j'ai commencé en entrant avec des inconnus qui sont devenus des amis et donc du coup j'ai déjà beaucoup de gens pour jouer autour de moi et donc chaque personne que je croise va pas forcément être quelqu'un avec qui je vais rejouer de manière régulière. Mais en tout cas, pour les soirées du bar, ce qui nous semble important, ouais, c'est que les gens ils aient envie de continuer à jouer, que ce soit revenir à la soirée ou découvrir le jeu ou partager un bon moment avec du monde. Quoi. Et ben en tout cas, ce qui est notable, c'est en tout cas une envie de rencontre. Et ça, ça fait plaisir à voir et à entendre. Je ne sais pas trop comment conclure cet épisode, je vous l'avoue. Mais en tout cas, je pense qu'on peut aller sur la question traditionnelle qu'on a en fin de podcast. Chaque saison, on a une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu t'en souviens ? Moi, je m'en souviens. D'accord, Vianney me fait signe que absolument pas. Un peu de professionnalisme, voyons. Donc en fait la question traditionnelle pour cette saison c'est racontez-nous un souvenir particulièrement remarquable selon vous de jeu, une expérience de jeu qui vous a marqué. Ça peut être je sais pas, une partie de petit meurtre entre amis, petit meurtre et fait divers particulièrement exceptionnel avec un jeu d'acteur de fou, ou je ne sais pas, moi je crois que quelqu'un nous avait parlé d'une partie de Fallout complètement folle. Voilà, quelle est votre expérience de jeu remarquable? Alors moi j'ai une expérience de jeu qui va me rendre détestable, mais elle m'a tellement marquée. J'étais en primaire ou en collège, je ne sais plus, je jouais à Age of Mythology en LAN avec mon père. Chez moi, je me souviens qu'on n'avait pas de bureau, nos PC respectifs étaient sur une commode trois fois trop grande. Lui, il était un bout, moi j'étais à l'autre. On jouait donc à Age of Mythology. On s'est dit, allez, on fait une alliance, papa, parce que moi, j'aime pas jouer en conflit. Donc moi, j'aime pas. Donc on grossit, on nique absolument tout le monde, toutes les autres IA, on les écrase. Et moi, j'avais préparé tellement de troupes que j'ai tout envoyé chez mon père et j'ai gagné. Et du coup, je me suis dit, je l'ai trahi. Je l'ai trahi en jeu. Et j'ai trouvé ça... Moi, j'ai jubilé parce que toutes mes troupes étaient chez lui, genre cachées. Il ne les voyait pas. Et j'ai tout envoyé au dernier moment quand on allait détruire la dernière ville. Du coup, j'étais la dernière debout. Et mon père, il m'a fait, t'es une saloperie. Voilà, c'était mon... ça restera toujours... Un grand souvenir pour moi et beaucoup trop drôle que je referai jamais parce que j'ose même plus jouer avec mon père d'ailleurs parce que je pense qu'il va me niquer dès le début. Mais c'était un très très bon souvenir et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en plus du souvenir du fait d'avoir fini un jeu qui m'avait passionné, tellement passionné que je l'ai fini en 2 heures. On me l'a offert à mon anniversaire, je suis allée sur ma PS2, j'ai fait et je l'ai fini. Valérie, t'as la pression, hein. Un souvenir entre un père et sa fille. Eh ben, c'est terrible parce que je me suis dit que j'avais le temps de réfléchir pendant que Jackie parlait et en fait, j'ai rien qui me vient. Enfin, rien qui me vient, non pas parce que j'ai pas de bons souvenirs, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un souvenir autour du jeu. En fait, j'ai tellement de moments partagés. Ce que j'apprécie, ce qui me fait triper sur le jeu tel que je le vis, c'est vraiment ces moments de rigolade. En fait, enfin, j'ai l'impression de et c'est ça que j'aime dans le jeu, c'est que il y a beaucoup de rigolade avec les copains et plein de moments différents. Et donc j'en ai pas un, mais c'est plus tous ces flashs et tous ces super moments en fait partagés ensemble, quoi. Eh bien, merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous avez apprécié, comme ce fut le cas pour moi et Vianney, ce moment. J'espère aussi que celles et ceux qui nous écoutent ont aussi apprécié. Évidemment, on vous remercie Valérie et Jackie. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger ce podcast avec vous. Pour rappel, vous pouvez donc continuer de nous écouter donc, nous suivre, pardon. Via Twitter et Facebook, et soutenir évidemment Ludologie et l'association qui la porte, qui est l'association Studio Dilettante. On va faire plein de choses autour du podcast. Voilà, vous allez sur tipeee.fr ou .com, je ne sais plus, /studio-dilettante, et vous pourrez nous aider à acheter un micro, un câble, un enregistreur, que sais-je. Ça pourra toujours nous servir à améliorer le podcast. Voilà, merci à toutes et à tous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Ludologie. En attendant, jouez bien, jouez plein, en famille ou entre amis. Voilà, tant que vous jouez, c'est ça le plus important. À bientôt.